De la même façon que le récit mythologique de nos ancêtres les Gaulois réfractaires, le récit préhistorique a été construit sur un modèle quasi exclusivement masculin. Homme de Cro-Magnon, homme de Néandertal, homme des cavernes, pas beaucoup de place pour les femmes dans les lignées humaines. Si la découverte de Lucie a tenté de corriger le tir, la question du rôle social, de la place de la femme dans les sociétés préhistoriques reste très largement conditionnée aux stéréotypes sociaux contemporains. L'homme à la chasse, la femme à la caverne. Comment étudier la place réelle des femmes dans ces proto-sociétés? C'est un long et très complexe travail de déconstruction. Claudine Cohen, une femme dans la préhistoire, c'est notre quatrième grand entretien de cette nouvelle saison et notre invitée pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Claudine Cohen. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation qui fait de vous, comme tous nos invités cette semaine, l'une des marraines de cette troisième saison de la méthode scientifique. On est ravis de vous avoir à ce micro. Vous êtes philosophe et historienne des sciences, directrice d'études à l'EHESS et à l'école pratique des hautes études en sciences de la vie et de la terre. Vous avez notamment publié La femme des origines, images de la femme dans la préhistoire occidentale. C'est aux éditions Belin et vous m'avez signifié que vous alliez publié dans quelques jours, dans quelques semaines, en tout cas au mois de septembre, une anthologie de la préhistoire littéraire avec Romain Bondonneau, cette édition Grand Cahier Périgord Patrimoine. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, à savoir effectivement la place de la femme dans ces différentes lignées humaines préhistoriques, on ne résiste pas à la tentation de vous faire réagir sur quelques actualités de cet été, notamment cette étude qui a fait couler beaucoup d'encre en début de semaine, publiée dans Nature, de la découverte d'un fossile hybride de Néandertal et de Denisova. Je crois que vous n'êtes pas totalement convaincu par cette étude? Ah si, je suis convaincue que c'est un travail très sérieux et je trouve formidable que la presse, le grand public se passionne pour des découvertes qui sont, enfin, ou des travaux qui sont techniquement extrêmement sophistiqués et qui sont, je dois dire, assez difficiles à comprendre dans leurs détails et dans leurs implications. Alors, on a beaucoup parlé de ce mot hybride. Et voilà, on a découvert un individu, en fait c'est un tout petit fragment d'os sur lequel on a fait des expériences de biologie paléomoléculaire, on a étudié l'ADN, on a étudié le génome, et en gros il y a la moitié génome Néandertal, la moitié génome Denisova. Alors le problème c'est ce mot hybride, et d'ailleurs si on lit l'article qui est paru dans le Nature, il y a à la fin de cet article quelques lignes qui me semblent être les plus importantes, mais que personne n'a lues évidemment, parce qu'elles sont tout à fait à la fin, où Svante Paabo explique qu'il est un petit peu réticent à utiliser ce mot hybride, précisément parce que ce que montre cette expérience, et en fait ce qu'on soupçonnait déjà, mais on ne le disait pas, c'est qu'au fond ces Denisoviens, c'est pas une espèce. Et que la différence entre Néandertal et Denisova, qu'on nous a vendu comme une différence énorme, qui d'abord était datée d'une séparation de lignées de 800 000 ans, après on a un petit peu rectifié le tir, on a dit 400 000. Bon, et puis maintenant on dit, il y a 90 000 ans, il y avait des individus qui avaient les deux patrimoines génétiques, etc. Donc, en gros, on n'a pas affaire à deux espèces. On a affaire à peut-être de sous-espèces, des variétés. Hein. Peut-être que Denisova est une variété de Néandertal, une race de Néandertal. Bon, puis ils se rencontraient, évidemment, il y avait des Denisoviens dans l'Altaï, au fin fond de la Sibérie, et les Néandertaliens, ils étaient en gros beaucoup plus à l'ouest, donc il y a une séparation géographique. Mais quand ils se rencontraient, bah, c'était la même espèce. Hein, probablement. Enfin, moi, c'est ce qui semble ressortir des implications de cette affaire. Et c'est ce que dit très bien Svante Paabo, hein. Nous sommes un peu intimidés par le mot hybride. Hein. Ce mot implique que ces deux groupes sont des espèces distinctes, mais en réalité, ce que montre cette expérience, c'est que les frontières entre ces deux groupes étaient assez blurry, ça veut dire assez, même pas ténues, elles étaient floues. Hein. Ça veut dire que c'est en gros le gros scoop de 2010 selon lequel on a trouvé une espèce, c'est un peu un flop. Il faut rappeler que Denisova, on a très très peu de traces fossiles, c'est-à-dire que ça ne tient rien par ailleurs. Oui, alors ce qui était merveilleux avec Denisova, et ça, vous parliez de récits merveilleux de la paléontologie, c'est que c'était la première fois, et c'était un gros coup, c'est la première fois que les généticiens nommaient alors une espèce ou une population ou quelque chose à partir de presque rien. Et ça, c'est le rêve des généticiens, c'est se passer complètement de la paléontologie, se passer complètement des fossiles, et puis arriver à travers... Alors maintenant, on peut même extraire de l'ADN des sols, à travers presque rien, de découvrir une nouvelle espèce. Bon. C'est une ambition, ça a été leur ambition, parce qu'il y a toujours eu cette tension entre les paléontologues de terrain et les généticiens. Maintenant, il y a des... rencontre, même à Leipzig, qui est le haut lieu de la génétique paléobiomoléculaire, il y a aussi des anthropologues. Il y a Jean-Jacques Hublin qui est... Bien sûr qu'on a donc, reçu il y a une convergence de ces savoirs. Mais enfin, le rêve des généticiens, c'était quand même de faire surgir de presque rien, d'une trace extrêmement ténue, un nouvel homme. Et là, on doit dire qu'après les grands effets d'annonce, on est là dans une petite timidité, dit Svante Paabo, c'est le grand chef de cette affaire. On est intimidé par le mot hybride. Voilà. Et c'est ça que je voudrais souligner, plutôt que cette mise en avant de ce mot hybride qui a été répercutée partout dans toute la presse, qui a été reprise par les gens. Ah, un hybride, c'est formidable. Bon, il faut attendre. Ce sont des expériences sophistiquées, très compliquées, et je crois qu'on a tendance, surtout avec ces affaires de biologie moléculaire, à aller un peu vite dans les effets d'annonce. Alors, autre effet d'annonce dont on peut dire un mot et dont que vous pouvez commenter également, Claudine Cohen, c'est cette autre étude qui impute à Homo erectus sa disparition du fait de sa paresse. Est-ce que c'est vraiment très sérieux, ça me fait vraiment bondir. Enfin, ça me fait bondir. J'ai lu aussi les articles de cette équipe. Alors, ce sont des gens extrêmement sérieux. Il y a des gens de Cambridge qui travaillent depuis très longtemps sur ces sites de la péninsule arabique, du centre de la péninsule arabique, qui sont très importants parce que c'est le lieu probable de l'itinéraire de ces erectus depuis l'Afrique jusqu'en Asie, où ils ont été florissants en Asie. On peut peut-être dire en deux mots en quoi consiste cette étude, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils arrivent à cette conclusion autour de la paresse. J'avance là-dessus. Donc, il y a eu des grands travaux sur ces cultures acheuléennes et on n'a pas trouvé d'hommes. On a trouvé des outils. On a trouvé des outils, des bifaces, vous savez, c'est des outils amygdaloïdes taillés toujours un peu sur le même schéma, bien taillés d'ailleurs. Et alors, il y a des études très longues, des articles très copieux, très scientifiques, etc. Et puis voilà que un des chercheurs, donc, qui s'appelle Seri Shipton, dit... Ah oui, ils faisaient très bien leur boulot, mais alors il y avait une colline où il y avait de la pierre de meilleure qualité à quelques centaines de mètres de là où ils étaient. Ils ne sont pas allés chercher les cailloux là, ils se sont contentés de cailloux de moins de bonne qualité pour fabriquer leurs outils. Et donc ils étaient paresseux, et donc ils n'étaient pas attirés par le progrès. Et il le dit explicitement. Leur technique n'évoluait pas par ailleurs. Non, mais ils ne cherchaient pas à progresser. Alors on se le croirait, vous savez, dans le roman de Roy Lewis, vous avez lu ça, où il y a le fameux père qui dit il faut progresser. Pourquoi j'ai tué mon père. Pourquoi j'ai mangé mon père, oui. Et donc, il y a ce fameux père qui est insupportable, qui dit qu'il faut progresser, il faut avancer. Enfin, l'idéologie du progrès, c'est une idéologie du 19e siècle. Il y a des tas de peuples qui ne pensent même pas au progrès. Pourquoi voulez-vous que les Homo erectus pensent à progresser? Ils étaient peut-être très contents de leur situation. Peut-être qu'ils avaient aussi... On sait que les erectus avaient une industrie sur bois. Peut-être qu'ils avaient une industrie extrêmement sophistiquée sur le bois, dont il ne reste plus rien. Et puis, voilà. Alors, savoir s'ils ont disparu à cause de ça, enfin, avant de disparaître, là on est au paléolithique inférieur, ils sont allés jusqu'en Asie, bon c'est pas quand même des gens très paresseux, ils sont allés en Chine, ils sont allés à Java, enfin on appelle tout ça des erectus, maintenant peut-être qu'il faut changer les noms d'espèces, j'en sais rien, mais en tout cas dire on a trouvé ça, une petite population en Arabie, de là on infère qu'ils étaient paresseux d'une part et que d'autre part c'est pour ça qu'ils ont disparu, c'est un peu n'importe quoi. Et puis alors la paresse, c'est un des sept péchés capitaux, pourquoi pas la luxure, pourquoi pas la gourmandise, c'est ça, c'est voilà, donc on fait de la morale. Vous savez, les espèces ne s'éteignent pas parce qu'elles sont moralement mauvaises, elles ne s'éteignent pas parce qu'elles sont mauvaises, elles s'éteignent parce qu'elles ont des concurrents, parce qu'il y a la lutte sur la survie, ou parce que tout d'un coup il y a un écosystème qui est complètement détruit, où il y a un accident de l'environnement. Mais on ne peut pas dire qu'une espèce disparaît par sa faute. Ça me paraît idéologiquement très chargé. Bien sûr, ça. Et puis ça pose tout de même aussi la question, Claudine Cohen, de la façon dont on, finalement, j'ai envie de dire, je vais utiliser un vilain mot, mais dont on markete finalement ces études scientifiques, il faut avoir du grand titre, voilà, de l'accrocheur, voilà, quelque chose qui va retenir l'attention très rapidement, oui, au détriment finalement d'un certain sérieux, quel que soit d'ailleurs le sérieux de cette étude. Voilà, alors moi, c'est ce que je vois effectivement, vous avez tout à fait mis le doigt là-dessus. Il y a des études très sérieuses qui ont été publiées sur ces questions-là, et puis voilà, il y a un monsieur qui dit, ah oui, mais tout ce qu'on ressent là-dedans, c'est qu'ils étaient flemmards. Et il sait très bien qu'il fait un coup. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h11, nous allons poursuivre notre conversation avec Claudine Cohen, qui est notre invitée, quatrième marraine donc de cette nouvelle saison de La Méthode Scientifique. Et on va reparler un peu du cœur de vos travaux, qui est absolument passionnant, autour de la place de la femme dans le récit préhistorique et de son rôle social, de tous les indices que l'on peut collecter pour essayer de sortir de ce patriarcat, de ce masculinocentrisme, je ne sais pas comment l'appeler, puisque c'est vrai que, on vient de le dire, l'homme de Denisova, l'homme de Néandertal, Denisova, c'était une femme. C'était une petite fille. Ce sont deux petites filles. Néanmoins, c'est l'homme de Néandertal, c'est l'homme de Cro-Magnon, c'est l'homme des cavernes. Voilà le récit préhistorique que l'on nous enseigne et dans lequel nous sommes baignés. La terminologie n'a effectivement pas laissé beaucoup de place aux femmes, comme en atteste cette archive de 1976. Écoutez, c'est André Leroy-Gourand. J'ai toujours été un peu énervé par le fait qu'on soutienne que l'homme a commencé par le cerveau et que c'est l'augmentation du volume cérébral qui a provoqué le redressement et l'hominisation. Or, c'était un point de vue original il y a quelques années quand je l'ai sorti. Maintenant, on y est, on a compris, et les découvertes d'Afrique orientale ont apporté un témoignage décisif du fait que les hommes ont marché sur leurs pattes de derrière bien avant d'avoir un cerveau développé dans les proportions raisonnables, si vous voulez, pour parler d'humanité. Les australanthropes sont déjà des hommes, puisqu'ils ont des outils et devaient posséder un langage rudimentaire, mais un langage tout de même. Et pourtant, ils sont hommes par leur squelette, par leurs pieds, par leurs mains, qui sont de vrais pieds et de vraies mains. Ils sont hommes par leur denture aussi, pour une large part. Mais ils ne sont pas encore tout à fait des hommes. Un cerveau d'australanthrope devait peser à peu près 4 fois moins que le nôtre. Être ou ne pas être un homme, Claudine Cohen. Oui, c'est très émouvant d'entendre la voix d'André Leroy-Gourand, qui réagit là, en fait, à la découverte de Lucie. Tout à fait. Hein, puisque c'est en 76. Et effectivement, à aucun moment il ne mentionne le fait que Lucie est une femme, hein, alors que, bon, c'est quelque chose qui avait été bien mis en avant. Mais il me semble qu'on peut lui pardonner cet usage du mot « homme », parce qu'en français, et je pense que c'est comme ça qu'il l'utilise, d'ailleurs il dit « anthrope », hein, et « homme ». « Homme », c'est avec un grand H, ça veut dire l'espèce humaine, ou le genre humain, ou la famille humaine, hein, donc ça désigne l'humanité en général. Alors évidemment, à aucun moment, le roi Gourand n'a parlé de femme. Et là, peut-être qu'il aurait pu en dire un mot s'agissant de Lucie. Alors, comment justement on peut aujourd'hui revoir, comprendre l'étude des fossiles, du registre fossile, mais aussi la place finalement de la femme dans ces populations préhistoriques, parce que évidemment, plus on remonte, moins on a de traces, plus il est difficile d'inférer, ce qui est le dilemme de tout paléontologue. Si vous voulez, d'abord, avant, moi j'ai écrit 2 livres sur la question. Le premier, qui s'intitulait donc « La femme des origines », était surtout un livre d'historienne, puisque moi je suis une historienne des sciences, et je me suis attachée là à essayer d'approcher et d'interroger tous les discours qui ont été tenus sur la question, et de voir comment, justement, ils étaient très chargés idéologiquement, hein, comment, pour la plupart, il y avait des stéréotypes qui les habitaient, que ce soit des stéréotypes religieux, des stéréotypes sociaux, etc. Et en même temps, dans ce livre, qui est un beau livre, je montre aussi tout le matériel archéologique qui pouvait, même il y a très longtemps, donner quelques indices pour penser la place des femmes dans la préhistoire. Et donc, il me semble, et ça, c'est aussi la stratégie, en fait, des femmes américaines, parce que c'est elles dont je me suis inspirée, qui ont beaucoup lutté pour que la place des femmes soit reconnue dans la préhistoire. Hein. Il y a eu tout un mouvement très important à partir des années 60 aux États-Unis. Et moi, allant beaucoup aux États-Unis dans les années 90, j'ai un petit peu été ébahie hein, par la littérature énorme qui se trouvait là-bas et qui se publie encore, enfin qui se publiait tous les jours. Et donc, il fallait critiquer un certain discours qu'on peut dire androcentrique, hein, machiste. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à voilà, l'heure. Voilà, machiste, hein, c'est plus facile à dire, qui au fond, sous prétexte, on parlait de Leroy Gourand tout à l'heure, sous prétexte de parler de l'homme avec un grand H, finalement ne parlait plus que de l'homme avec un petit H. L'homme avec un petit H, ça veut dire le chasseur. Hein, celui grâce à qui l'humanité est devenue ce qu'elle est, parce qu'on sait très bien que la grande chasse, depuis les origines, c'est ce qu'on racontait, a permis d'abord le développement de l'outil, l'habileté manuelle, le développement de l'intelligence, parce qu'il fallait traquer le gibier, etc. Le développement du partage entre les chasseurs, le développement aussi des stratégies. Et puis finalement, une fois qu'on avait le butin, eh bien, on rentrait dans la caverne et puis on échangeait la viande contre les faveurs des femmes. Voilà, c'était le modèle qui régnait encore dans les années 50, 60, et qui était finalement un modèle pas seulement d'origine de l'homme, avec un grand H, mais un modèle qui assignait à la partie virile de l'humanité toutes ses acquisitions. Alors que la femme, il y a même des modèles où on dit que la femme était plus ou moins quadrupède, alors que l'homme, lui, elle avait déjà conquis la bipédie. Et donc, voilà, il fallait relire tout ça, il fallait s'inspirer évidemment des critiques très très vives qui ont été distillées par toutes ces anthropologues américaines, parfois avec beaucoup de force et même de violence, hein, pour dire qu'il n'y avait pas que l'homme chasseur. D'abord, la chasse probablement n'intervient pas aussi tôt que ça dans l'histoire de l'humanité, puisque certains modèles ont montré que l'homme était charognard. L'homme et la femme, et les vieillards et les adolescents pouvaient charogner, c'est-à-dire dépecer des animaux déjà tués par d'autres prédateurs. Et donc tout le monde pouvait s'occuper de ça et ramener des protéines pour s'en nourrir. Et donc, on sait traditionnellement, ça c'est aussi en s'inspirant de modèles plus ethnographiques, hein, on sait que très souvent les femmes sont cueilleuses, c'est elles qui s'occupent de la cueillette, et que la cueillette est une partie très importante de la subsistance des groupes de chasseurs-cueilleurs. Il y a eu, justement, dans ces années 60-70, des grandes études ethnographiques qui s'étaient intéressées aux bushmen d'Afrique du Sud et qui ont montré comment se distribuaient donc, les tâches et comment les femmes non seulement portaient énormément de fardeaux, portaient les enfants, mais aussi se déplaçait beaucoup, c'était pas la femme au fond de la grotte. Ce qu'on a dit pendant longtemps. Sédentaire qui était dans la grotte. Voilà, qui attendait qu'on lui rapporte à manger, ou alors on l'arrachait par les cheveux pour l'emmener pour se livrer à d'épouvantables sévices, orgies sexuelles, etc. Bon, il y avait aussi tout ce fantasme de la sexualité. La femme tirée par les cheveux, enfin, c'est cette représentation mentale qui est une représentation très forte et Oui, qui mais en même temps, une représentation qui est à la. C'est au 19e siècle, à la fin du 19e, qui est l'envers un petit peu de la femme victorienne finalement. Hein, il y avait la femme très couverte, très prude, etc. Et puis il y avait ces débordements de violence sexuelle dans les grottes. Et finalement, il y avait cette envie hein, de penser la préhistoire comme ce lieu hors interdit, en quelque sorte. Et puisque vous évoquez justement le 19e siècle, Claudine Cohen, finalement, il y a une certaine logique sociologique, finalement, à avoir décalqué sur des modèles sociaux ancestraux, ceux de la société qui était la société actuelle, qui était une société très largement patriarcale, où les femmes n'avaient pas de place et où, finalement, on reproduisait un schéma de construction sociale sur ses origines. Bien sûr. Bien sûr, et ça, c'est un invariant du discours de la préhistoire, et puis du discours aussi d'histoire, d'une certaine façon. Il y a beaucoup de sciences qui sont les sciences du passé, en particulier, qui essayent de reconstruire des événements qui ont eu lieu, et c'est très difficile, quand on les reconstruit, de se départir du présent. et de ce qu'on pense dans le présent, de ce par quoi on est habité dans le présent, des idéologies, des cadres de pensée. Et en ce sens, effectivement, la préhistoire doit... Les préhistoriens se sont aperçus de ça, il n'y a pas si longtemps, en particulier dans les pays anglo-saxons. Et ce sont les préhistoriens eux-mêmes qui ont fait ce travail réflexion sur tout ce qu'ils apportaient dans ce discours dit scientifique, de leurs propres implications idéologiques, sexistes, politiques, etc. Et donc, il y a toute une charge qu'il s'agit de percevoir, une charge idéologique qu'il s'agit de percevoir et de critiquer. C'est un peu mon travail. Et alors justement, pour essayer de réviser ces modèles masculinistes de projection sur le récit préhistorique, eh bien, on peut se fonder sur des preuves tangibles, sur des preuves fossiles, sur du travail génétique, sur du travail morphologique. Nous avons interrogé à ce propos Aline Thomas, qui est archéo-anthropologue au Muséum d'Histoire Naturelle. Écoutez. L'approche la plus directe et la plus simple est l'approche morphométrique, c'est-à-dire la mesure externe des restes humains, et en particulier du bassin osseux, parce que le bassin osseux est la seule partie anatomique du squelette qui présente chez Homo sapiens un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence entre les hommes et les femmes qui est significative et qui est universelle. On a d'autres moyens de déterminer le sexe directement des fossiles, c'est l'approche évidemment génétique, en déterminant les chromosomes sexuels. Le problème là, c'est un problème de conservation, et la conservation des données constitution interne de l'os, génétique. Autre problème, on va être confronté à des problèmes de contamination, c'est-à-dire que notre propre ADN va potentiellement contaminer les fossiles. Mais moi, je travaille sur des populations néolithiques, mais si vous allez évoquer les populations paléolithiques, où les restes humains sont généralement, les squelettes ne sont généralement pas complets. Un squelette, c'est une mine d'informations, parce que c'est à la fois les informations que l'on observe macroscopiquement, la morphologie, la taille, même la stature, la robustesse nous informe sur les pathologies, etc., nous donnent énormément d'informations sur le mode de vie. Et puis maintenant, grâce aux analyses physico-chimiques, donc les isotopes, l'ADN, l'ensemble de ces informations nous conduit vraiment à revenir de manière très concrète sur le comportement et sur le fonctionnement des sociétés. Et l'analyse de l'ADN permet aussi de revenir sur les systèmes de parenté, sur la façon dont les populations se sont organisées. Je suis totalement engagée dans ce qu'on appelle un peu l'archéologie du genre, dans cette démarche, mais je suis convaincue tant qu'on aura une approche très systématique, très rigoureuse, et qu'on remette bien à la base l'analyse des sexes biologiques, et qu'on essaye de se défaire, malgré tout, de nos a priori. Je dirais que le plus gros écueil, c'est que l'on parte de nos postulats et qu'une tombe richement dotée avec des armes soit forcément une tombe d'homme et qu'une tombe avec quelques céramiques soit forcément une tombe de femme sans que l'on interroge le sexe biologique des squelettes présents dans ces sépultures. C'est là le risque. Alors qu'on a les informations, on peut les interroger, on peut interroger les restes de manière très pertinente, très fine. D'autant plus quand on travaille sur les rapports de genre. Comme c'est un des travaux qui peuvent très rapidement supporter des visions politiques, il faut être très vigilant pour ne pas donner les conclusions avant d'avoir même interrogé les vestiges. Aline Thomas, qui est archéo-anthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Claudine Cohen ? Je suis parfaitement en phase avec ce qu'elle dit, mais... Elle parle de sapiens, elle travaille sur des sapiens, donc elle travaille sur des populations néolithiques. Et au fond, ce qu'on voit, si on cherche à aller plus loin dans le passé, ça devient beaucoup plus difficile. Même le bassin, même la morphologie du bassin, pour les espèces, par exemple, d'australopithèques, normalement, le bassin s'écarte à la puberté parce que il y a la nécessité de faire passer le crâne de l'enfant qui est gros, hein, parce que le cerveau, quand les hommes se développent, les hominidés se développent, et le cerveau est plus gros. Mais chez les australopithèques, le cerveau est tout petit. Hein, c'est un cerveau qui est la taille de celui d'un singe, à peu près, à peine plus gros. Et donc, la morphologie du bassin n'est pas pertinente. Hein. Alors pourquoi on appelait Lucie Lucie ? Ça, on en doute. Alors Yves Coppens, qui était le premier parrain de la méthode scientifique, dit que lui, il est certain que Lucie est bien, est bien une femme. Mais il y a eu des discussions autour de ça. Mais, on a longtemps, on s'est demandé si Lucie n'était pas Lucien. Voilà, voilà. Mmh. Mais à l'époque, c'était là aussi, c'était un beau, c'était un coup hein, d'appeler un fossile d'un nom d'une femme, parce que jusque-là, c'était seulement l'homme de Cro-Magnon, etc. Vous savez, il y avait une femme à Cro-Magnon. Hein, il y avait 5 squelettes qui avaient été ensevelis dans la grotte, dans l'abri de Cro-Magnon. Et en fait, la femme, on n'en parlait jamais. On n'en parlait que de l'homme. Alors voilà, parler d'une femme et baptiser un fossile d'un nom de femme, c'est une chose tout à fait intéressante. Alors, ce qu'elle dit aussi, à quoi j'adhère totalement, ce sont les apports, évidemment, de la génétique, quand elle est possible, à toutes ces questions d'identification, d'abord des fossiles eux-mêmes, hein, si on peut dire qu'un fossile est féminin ou masculin, à travers l'étude donc du génome. Il y a une question aussi que vous venez d'aborder, Claudine Cohen. Il y a Cohen, aussi la question de la parenté. Oui. Hein, la question de la parenté dont elle parle, c'est très intéressant. Par exemple, il y a des études génétiques qui ont été faites sur un groupe de Néandertaliens à El Cidron. Je crois qu'ils étaient 11, quelque chose comme ça. Il y avait 7 hommes et 4 femmes. Et on s'est aperçu que les hommes étaient tous issus d'une même population, alors que les femmes venaient d'ailleurs. Et donc, ce sont des Néandertaliens. Hein. Bon, on ne peut pas non plus élargir ça à tous les Néandertaliens, mais dans ce groupe-là, il y a une sorte d'exogamie. Hein. Il y a une recherche de femmes en dehors du groupe. Et ça, c'est tout à fait passionnant de penser que déjà, les Néandertaliens, dont on a dit longtemps qu'ils étaient des brutes, etc. Arriérés, etc. C'est battu en brèche aujourd'hui. C'est oui, c'est critiqué. Ça vient. Hein, c'est toujours, depuis 150 ans, le pendule aussi d'un côté ou de l'autre. En tout cas, on voit qu'ils avaient des pratiques de choix des épouses, des structures de parenté, hein, comme diraient les grands anthropologues, Lévi-Strauss, qui ressemblent à celles de l'humanité. Donc là, ça apporte vraiment des choses intéressantes. Alors évidemment, c'est limité, hein, ce que ces études génétiques peuvent apporter, c'est limité, je crois, à 400 000 ans maximum, hein, parce que de là, on ne peut pas... On n'en retrouve plus d'ADN. On peut pas trouver d'ADN. Ce qui explique qu'on ne peut pas trancher en génétique sur Lucie notamment. Mais c'est intéressant parce qu'il y a effectivement, vous venez de le dire, Claudine Cohen, un débat sur cette notion de gracilité, parce qu'on a dit on peut reconnaître les critères morphométriques plutôt par la gracilité des squelettes féminins par rapport à par opposition à la robustesse squelettes masculins, mais tout ça aussi est très interrogé, très questionné. On ne sait pas si les critères de gracilité sont véritablement des critères féminins. Oui, et ça a pu, comme disait très bien Aline Thomas, ça a pu induire en erreur certaines recherches. Par exemple, le fameux homme de Menton. J'aime beaucoup cette histoire. Tout à fait. Parce que on a trouvé donc dans la région de Menton, à la fin du 19e siècle, un squelette. Alors c'est un squelette assez robuste, orné avec des coquilles. Enfin, on sentait que le squelette avait été vraiment soigné. Le corps avait été enseveli avec une parure, avec des offrandes, etc. Donc on a dit, voilà, c'est un chef. C'est l'homme de Menton. Et puis, alors il y a eu d'autres fouilles qui ont été faites dans la péninsule italienne, à plusieurs endroits, et on a trouvé des fossiles identiques, des sépultures identiques, avec la même orientation, les mêmes offrandes, les mêmes ornements, etc. Et dans une de ces sépultures, on s'est aperçu que c'était une femme avec un fœtus encore dans son ventre. On ne pouvait pas mieux faire pour prouver que c'était une femme. Il n'y avait plus de doute possible. Il n'y avait pas de doute. Et du coup, on s'est mis à réétudier toutes les autres et on s'est aperçu que c'était aussi des femmes. Et que le fameux homme de Menton, ben, c'était une dame. Et maintenant, si vous allez au musée de l'homme, vous verrez la dame du Cavillon. Hein, donc, il a été rebaptisé. Et cette dame était robuste et elle était parée et elle avait des offrandes, ce qui signifie que c'était quelqu'un qui avait une certaine importance dans cette société gravétienne. Hein, donc on peut dire, alors peut-être pas à toutes les époques de la préhistoire, hein, parce que la domination masculine est quelque chose qui a dû exister aussi dans la préhistoire, comme elle existe dans toutes les sociétés humaines actuelles. Mais en tout cas, il y a eu des périodes de la préhistoire où les femmes avaient un rang, étaient respectées, étaient ornés par leurs semblables. Voilà. C'est d'ailleurs ces histoires de d'assignation, de réassignation. Il y en a plusieurs autres. Il y a par exemple l'homme de Kina, qui est un néandertalien. La femme de la Kina. Voilà, qui est une femme et dont le sexe a changé 5 fois au cours de l'histoire. Alors là, au musée de l'homme, c'est un chauve. Alors il y a une espèce de reconstitution assez laide qui a été faite de ce fossile en 1905. La reconstitution date de 1911, je crois. Et en fait, il a changé de sexe plusieurs fois. Et aujourd'hui, on a décidé que c'était un homme. Alors, on lui a enlevé les cheveux. Voilà. Ça, maintenant, il est chauve. Est-ce qu'on a déjà trouvé, par exemple, puisque vous parliez de sépulture, Claudine Cohen, des armes dans une sépulture féminine? Des armes. Des armes ou des flèches, des bifaces ou quelque chose comme ça? Oui, enfin, je pense que dans les sépultures de certaines sépultures de plus tardives, alors de l'âge du fer, on trouve des offrandes qui certainement sont des offrandes qui ressemblent à ce qu'on peut appeler des armes, sans doute. Et on va voir que ça, on est encore dans le domaine de la preuve archéologique, de la preuve morphométrique, mais que quand ces preuves s'amenuisent ou disparaissent, on entre dans un autre champ d'investigation. Il est 16h33, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture avec Caveman de Mr. Day, mais c'est pas du tout ce dont on parle aujourd'hui, puisque nous allons parler de Cavewoman, de la femme des cavernes, avec Claudine Cohen, qui est philosophe et historienne des sciences, directrice d'études à l'EHESS et à l'école pratique des hautes études. On se disait, juste avant cette petite coupure musicale, que se passe-t-il quand les preuves disparaissent? Comment est-ce que l'on peut comprendre, même avec certaines preuves que l'on a pu décrire, certaines preuves archéologiques, comment est-ce que l'on peut comprendre la place de la femme dans ces différentes sociétés pré-humaines? Alors, les preuves disparaissent. Les preuves sont rares. Mais bon, la préhistoire a quand même les moyens, s'est donné les moyens de recueillir même des vestiges, si ténus soient-ils. Alors évidemment, les traces génétiques, c'en est une partie, mais il y a aussi des traces archéologiques. On parlait des squelettes, etc. Bon, ils sont rares, ils sont difficiles à identifier, mais entre les deux, il y a tout cet immense matériel archéologique, donc tous les outils de pierre taillée, tous ces objets qu'on ramasse donc sur les lieux où ont vécu, où ont habité les hommes fossiles. Et de là, il y a des procédures d'interprétation de ces objets qui peuvent permettre de reconstituer d'abord les capacités techniques d'une part, mais aussi peut-être, on arrive maintenant à cela, reconstituer les sociétés mêmes qui les ont produites. Alors en ce qui concerne les outils, il y a tout un travail qui est fait depuis pas mal d'années, qui est un travail de compréhension de leur fabrication. Et par exemple, les préhistoriens s'emploient à essayer de tailler des outils de la même façon que ce qui a été fait dans la préhistoire la plus lointaine, ou par exemple à l'époque des Néandertaliens. Et on prend le biface, ou on prend l'éclat, et on essaye de retrouver, par des procédures dites expérimentales, les gestes qui ont permis d'aboutir à ce résultat. Et donc, ces préhistoriens sont parfois aussi des préhistoriennes, et on se rend compte que des femmes peuvent très bien fabriquer des outils. Et là, ça ouvre quand même tout un espace, en opposition à celui qui consistait à nier la capacité pour les femmes de faire quoi que ce soit. Et les femmes savaient, pouvaient tailler des outils. C'est pas hors de leur portée. C'est pas une question de gros muscles. Hein. C'est une question d'angle, de pertinence du coup, etc. Et donc, on peut imaginer qu'il y a eu toute une industrie féminine. Alors maintenant, on reste à reconnaître ce qui est la part des femmes dans ces industries. Mais on s'est aperçu aussi que sur certains sols d'habitat, on trouvait beaucoup d'éclats, de morceaux de silex qui jusque-là étaient un peu négligés. Et en les étudiant, maintenant on peut faire ce qu'on appelle la tracéologie, en étudiant les traces ténues qui sont sur ces objets, c'est presque rien, mais ça permet aussi de comprendre des choses, eh bien on s'aperçoit qu'ils ont été utilisés. Alors si c'est dans les habitats, si on confine les femmes dans l'habitat, ce qui n'est pas encore une fois, ce qui est retenu aujourd'hui. Mais enfin, à la limite, si on confine les femmes dans l'habitat, on peut dire qu'elles avaient aussi la possibilité de fabriquer, d'utiliser des outils pour leur usage quotidien. Donc il y a là toute une panoplie de ressources pour le préhistorien pour penser cela. Et puis, alors il y a tout un ensemble de travaux qui ont été faits récemment sur ce qui concerne le travail des fibres. Ce qui concerne le tissage, la couture, etc., le travail des peaux. Il y a toutes sortes d'indices qui permettent de reconnaître, par exemple sur les dents, certaines techniques de saisie des peaux pour les racler, et sur des dents féminines, on a pu reconnaître cet usage. On a pu reconnaître aussi des traces de vannerie, de sparterie, de paniers, de tissus sur des argiles qui ont été trouvées, donc datées de très anciennes, aussi du Gravettien, d'il y a entre 27 et 29 000 ans, en Moravie. Et là, si on pense que les femmes avaient une grande activité liée aux fibres, liée à la cueillette, etc., et que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, ce sont les femmes qui se livrent à ce genre de technique, hein, eh bien, on peut imaginer que ces femmes se travaillaient et créaient tous ces objets à une époque déjà très ancienne de l'histoire de l'humanité. Vous venez de dire deux choses importantes, Clélie Cohen. Vous dites à la fois dans des sociétés traditionnelles, et on va parler évidemment de l'influence de l'ethnologie ou de l'ethno-archéologie, oui, sur ces recherches. Mais j'aimerais, puisque cette émission s'appelle La méthode scientifique, interroger justement un peu la méthode d'extrapolation, puisque vous écrivez, Claudine Cohen, ce sont des sciences très particulières, qu'elles travaillent avec un matériau minimal. Il faut donc beaucoup inventer et imaginer. Alors bien sûr, il y a des procédures scientifiques qu'on a essayé de mettre au point de la façon la plus rigoureuse possible, mais il y a aussi tout un pan de recréation et d'imagination qui est inévitable et qui fait partie de la démarche même du scientifique. Oui. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Il y a l'usage des modèles, comme je disais, des sociétés traditionnelles. Alors, c'est un usage qui a été très discuté, en particulier par le roi Gourand, dont on vient d'entendre la voix, et qui fait que, effectivement, il s'est agi longtemps de dire les préhistoriques et les sauvages, c'était la même chose. Les sauvages d'aujourd'hui sont des préhistoriques qui sont restés à ce stade. Bon, ça s'appelait l'évolutionnisme culturel, c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement périmé. Et je pense que le roi Gourand avait raison à son époque de critiquer cet usage qui était fait par exemple par l'abbé Breuil, etc. Alors aujourd'hui, il y a des travaux beaucoup plus fins, beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus prudents, qui vont étudier avec beaucoup de précision des sociétés qui sont des sociétés à certains égards analogues aux chasseurs-cueilleurs préhistoriques, parce qu'elles ont les mêmes modes de survie et de subsistance, hein, taille des outils, sont nomades, etc. Et donc on peut à partir de cette étude, réfléchir sur la répartition des rôles, sur les techniques utilisées, sur la manière de gérer, par exemple, la reproduction, les enfants, etc. Essayer de penser à partir de là ce qui pouvait être le cas dans les sociétés de la préhistoire. Il y a des travaux, très très beaux travaux qui ont été faits, des travaux de Pierre Petrequin par exemple, ce sont vraiment des travaux admirables. Il a travaillé donc en Nouvelle-Guinée, à Irian Jaya, il a étudié la manière de gérer la taille de la pierre, etc. Il y a des travaux aussi qui ont été faits en Patagonie, hein, sur des sociétés subrécentes, enfin qui se sont éteintes il y a à peine une centaine d'années, et dont on peut étudier les vestiges archéologiques, mais dont on possède aussi des témoignages ethnographiques, ce qui permet d'associer les deux et de voir comment on peut les utiliser dans l'étude donc des sociétés nomades, des chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ce côté un peu brutal, hein, de dire de l'évolutionnisme culturel, et on est arrivé à des modèles beaucoup plus sophistiqués et intéressants pour comprendre les cultures préhistoriques, avec évidemment une prudence qui s'impose. Évidemment, il y a une théorie, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une théorie, en tout cas une proposition que je trouve assez captivante et assez passionnante, c'est ce que vous avez appelé la révolution des grands-mères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ça? Ah oui, la révolution des grands-mères, ça intéresse beaucoup. Oui, c'est intéressant. Écoutez, oui, alors ça, c'est plus du côté... disons d'un modèle presque, enfin biologique, hein, c'est l'étonnement devant le fait que les femmes et non les hommes survivent à leur âge reproducteur. Trois espèces, une espèce de baleine, les êtres humains et je ne sais plus, il y a, je crois que les orques. Et les orques. Les orques. Oui, c'est ça, trois espèces animales. Donc elles survivent à leur temps de reproduction, c'est ce qu'on appelle la ménopause. Hein. Et donc, les femmes, au-delà de l'âge de la ménopause, continuent à vivre très bien, à être en relative bonne forme, même si elles ne se reproduisent plus, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Ce qui est, les hommes, non. Les hommes peuvent se reproduire jusqu'à un âge très très avancé, comme on sait. Et donc, on peut s'interroger là-dessus. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, la conservation de ce trait? Est-ce qu'il y a un avantage associé à cela? Et donc, il y a un modèle qui a été fait, qui a été assez mis en avant par justement beaucoup de féministes américaines, c'est que les femmes plus âgées, qui ne se reproduisent pas, peuvent être utiles au groupe, justement en s'occupant des enfants de leurs filles, souvent de leurs filles plutôt que de leurs fils. Et de ce fait, avoir un rôle tout à fait important, non seulement pour libérer les femmes plus jeunes de la servitude, de toutes les servitudes en rapport avec le fait de garder les enfants, mais aussi transmettre des savoirs, transmettre une expérience et allonger ce temps de l'éducation de l'enfant à travers cette transmission. Et c'est le rôle des grands-mères. Hein. Et bon, ça peut peut-être expliquer pourquoi certaines des statuettes préhistoriques dont on a beaucoup parlé, ces fameuses statuettes avec des... Calipiges, oui. Calipiges aussi avec des seins énormes et des ventres énormes. Calipiges, c'est les cuisses, mais là, il y a aussi tout le milieu du corps, la vulve énorme, qui sont, on a dit, des sels symboles. On peut imaginer plutôt que ce sont des femmes mûres, ce sont des femmes plus âgées. On va en reparler tout à l'heure de ces petites statuettes. On a une question qui va vous être posée dans quelques minutes. Mais ce qui est intéressant dans ce schéma de la révolution des grands-mères, c'est par ailleurs que il vient aussi contredire une certaine notion de sédentarité, puisque si les grands-mères s'occupent des enfants, ça veut dire qu'elles libèrent les femmes pour pouvoir avoir une activité, et notamment vraisemblablement une activité pas seulement de récolte, c'est pas seulement gazoir, mais de petite chasse aussi, oui, vraisemblablement. Oui, alors là, bon, tout ce qui fait partie de la cueillette n'est pas sédentaire du tout. Au contraire, les lieux de cueillette sont parfois très éloignés. On sait, dans les sociétés justement actuelles, que y a une connaissance des lieux qui emmène parfois les femmes à des kilomètres du site de leur habitat. Et donc, déjà, cela, ça n'est pas sédentaire. Hein, mais il y a aussi une participation des femmes à la chasse. Alors, pas comme tueuse, hein, parce que on sait, Testard avait beaucoup insisté sur ce point. Il y a une sorte de tabou du fait de verser le sang pour les femmes, qui est à peu près universellement respecté. mais en tout cas, peut-être pas verser le sang animal, mais rabattre le gibier ou le ramasser. Hein. Donc participer à la chasse de cette façon. Et donc l'idée que les femmes restaient à la maison pendant que les hommes allaient chasser, aujourd'hui c'est une idée qui est dont on revient, hein, qui est assez critiquée. Ça fait quelques années puisque la thèse de Lee Divor qui était Man the Hunter a trouvé son contrepoint avec l'ouvrage de Sally Slocum en 75 ou Man the Gatherer. Oui. Qui raconte ça exactement. Oui, oui, alors ça, c'est ce que j'ai raconté tout à fait au début de cet entretien, où je disais qu'il y avait donc ces modèles de l'homme chasseur qui ont été très violemment critiqués par les féministes américaines dans les années 60, 70, 75. Et ça a été un moment très fort, hein, parce que c'était aussi l'époque du féminisme radical aux États-Unis. Et puis ça s'est un petit peu adouci. Hein, c'est-à-dire que à partir des années 90, il y a eu d'autres jeunes femmes qui faisaient de la recherche en archéologie, qui ont dit, bon, ce qu'on veut, c'est pas prouver que les femmes dominaient, qu'elles faisaient tout, qu'elles étaient les reines et les déesses, mais plutôt qu'elles recherchaient quel rôle elles avaient, rechercher ce qu'elles faisaient, hein, chercher les femmes. Voilà, c'était cela qui était le programme dans les années 90. Et je pense que c'est ce programme-là qui a été, qui continue aujourd'hui à être exploité. Est-ce qu'il est aujourd'hui communément accepté que ce rôle de cueilleuse, même de rabatteuse ou de cette participation, finalement était celui qui pourvoyait le plus à une nourriture stable dans la constitution de ces proto-sociétés-là, alors que la chasse était beaucoup plus incertaine quant à son rendu. Oui, la grande chasse, en général. Alors, vous parliez de Lee et de Vore qui ont écrit Man the Hunter, mais ils ont écrit aussi. C'est eux qui sont allés chez les Bushmen d'Afrique du Sud et ils ont fait donc un rapport extrêmement chiffré et précis de cette subsistance. Et on se rend compte qu'effectivement, les plantes, toutes les racines, les petits des animaux qui sont collectés par les femmes contribuent au moins pour 70% à la subsistance du groupe. C'est important, trois quarts de la subsistance. Voilà. Alors la grande chasse, dont on fait beaucoup de mythes, c'est une activité certes prestigieuse, certes intéressante pour les protéines, mais qui ne contribue que pour une partie relativement limitée à la subsistance. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de corollaires à cette activité de cueilleuse, à ce lien et à cette connaissance des plantes. Par les femmes préhistoriques. Oui, bien sûr. Je parlais tout à l'heure du travail des fibres. On peut aussi penser à tout ce qui concerne les simples, tout ce qui concerne les herbes, la connaissance évidemment de la cuisine, mais aussi la connaissance de la pharmacopée. Hein. Et puis peut-être aussi des onguents, plantes plus ou moins hallucinogènes, par exemple, ou de la sorcellerie même. Hein. On peut imaginer qu'il y ait aussi des femmes sorcières ou soignantes. Hein. Qui est souvent la même chose, par ailleurs. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avancez, Claudine Cohen, cette hypothèse que je trouve là aussi assez, assez astucieuse et assez passionnante, selon laquelle, bien, de la connaissance des plantes, on peut inférer finalement un début de maîtrise de la croissance des plantes, de maîtrise de leur culture, et donc, pourquoi pas, les racines de l'agriculture qui découlerait donc de cette activité. Oui, alors de, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui a été souvent avancée. Effectivement, les femmes connaissant les plantes, connaissant la manière dont elles poussent, connaissant les sols où elles poussent, etc., ont pu être celles qui ont commencé à des moments de sédentarité qui existaient au Paléolithique. Hein. On sait qu'il y a certains lieux, par exemple en Russie, plus difficile, mais aussi en Israël, au bord du lac de Tibériade, on sait qu'il y a eu, il y a 20-22 000 ans, des populations plus ou moins sédentaires, enfin semi-sédentaires, et qui avaient une grande variété de plantes à leur disposition, dont certaines même étaient peut-être déjà plus ou moins domestiquées. Donc, les femmes ont certainement joué un rôle là-dedans. Alors, la néolithisation, évidemment, c'est plus tard, hein, mais on peut imaginer des femmes cultivant leur jardin. Et puis, quand les travaux agricoles sont devenus plus lourds, plus importants, peut-être que là, les hommes ont pris le relais. Possible. Se pose ensuite, vous l'avez abordé rapidement tout à l'heure, la question de l'art pariétal. Là aussi, hein, pendant très longtemps, le récit mythologique de l'art pariétal, c'était l'homme qui peignait ses scènes de chasse sur le mur des cavernes. Or, cette idée-là aussi, pour le coup, avec des preuves effectives, des preuves, des mesures, notamment sur les traces des mains, c'est beaucoup plus le fait de femmes que d'hommes. Oui, alors c'était impensable. Mmh. Il y a pas très longtemps, l'idée que les femmes aient pu être artistes était totalement exclue. Et aujourd'hui, on y arrive, et c'est une idée qu'on retrouve, maintenant même vulgarisée, bande dessinée, romans, etc., qui inclut des femmes artistes. Effectivement, il y a eu des études qui ont été faites sur les mains négatives ou positives, et on a fait des statistiques des mesures sur la taille des doigts, parce que la proportion de l'index et de l'annulaire n'est pas la même chez l'homme et chez la femme. Ça s'appelle l'indice de Manning, vous pouvez vérifier chez vous, c'est-à-dire que normalement, chez les hommes, l'annulaire est plus long que l'index. Légèrement plus long, et c'est l'inverse chez la femme. Voilà. Et donc, petit exercice de travaux pratiques pendant cette émission. Vous pouvez regarder vos mains. Faites attention si vous conduisez quand même. Quand je parle dans les conférences, je vois toujours les mains. Mais c'est ce qu'on a fait dans le bureau de la méthode scientifique. On a vérifié, en tout cas chez nous, ça marche. Ça marche. Oui, et donc, bon, alors, évidemment, il y a une petite marge d'erreur parce que les stencils de mains, les mains qui sont dessinées au pochoir, c'est un petit peu approximatif. Mais sur la grande quantité, donc le chercheur américain Dean Snow prétend pouvoir tirer la conclusion que beaucoup de ces mains sont des mains féminines. Et une chose très intéressante, c'est que c'est lorsque ces mains entourent, par exemple, une peinture, un panneau, comme à Pêche-Merle, hein, le très beau panneau des chevaux de Pêche-Merle, est entouré de mains. Et on peut imaginer, alors, plusieurs choses. On peut imaginer que ces mains veulent dire, de mains féminines, hein, que ces mains veulent dire « j'étais là, j'étais présent quand le panneau a été dessiné », mais ça peut être aussi une signature. Et voilà. Alors, le panneau des chevaux des Pêche-Merle aurait été peint par une ou par des femmes. C'est une hypothèse. Et puis il y a cette question autour des statuettes que vous évoquiez tout à l'heure, de ces Vénus qu'elle y pige avec des gros seins, des gros ventres. Quelqu'un que vous connaissez a précisément une question à vous poser à ce sujet, c'est la tout à fait dispensable question mystère. Bonjour Claudine, comme tu le sais, depuis des années je travaille sur les Néandertaliens et sur les premiers Homo sapiens en Europe. Alors moi je me pose des questions par rapport à cette différenciation sexuelle qu'on n'arrive pas à aborder à partir des os et des dents. Je me demande si on peut pas se tourner vers justement les indices qu'on a du point de vue culturel. Et j'ai une question pour toi, c'est que notamment en Gravettien, on voit apparaître énormément de statuettes, parfois très très belles, féminines. Alors presque toutes, on a des attributs féminins qui sont hyper accentués, la poitrine, les fesses, beaucoup de femmes enceintes. Et je me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que à cette époque, au Gravettien, il y a une exaltation de l'image de la femme, presque une adulation de la femme? Est-ce que c'est un indice de vraiment la femme a conquis le monde du Gravettien? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une image qui montre une sorte d'assujissement de la femme dans la maternité et dans son rôle de femme vue dans la société comme une reproductrice? Qu'est-ce que tu penses de ces petites statues qu'on trouve au Gravettien? Est-ce qu'elles manifestent, à ton avis, une sorte de libération de la femme exaltée, ou est-ce que c'est la femme assujettie dans son rôle de la maternité et uniquement de la maternité? Alors, est-ce que vous avez reconnu? Je crois que c'est Sylvana Condemi. Absolument. Ouais, grande spécialiste des Néandertaliens. Directrice de recherche CNRS au laboratoire anthropologie, bioculturelle, droit éthique et santé à Marseille. Alors, voilà. Femme assujettie ou femme libérée? Écoutez, d'abord, juste un petit mot pour dire que elle s'intéresse aux Néandertaliens et on est en train de penser la capacité des Néandertaliens à faire de l'art. Mmh. Il y a eu un grand colloque qui s'est tenu il y a quelques jours. C'est une des grandes controverses actuelles autour de Néandertal. Voilà. Une grande discussion et une des grandes innovations. Alors, la question est très intéressante. Et c'est vrai, elle a raison de dire qu'on voit surgir à ce moment, au Gravettien, donc il y a 40 000 ans à peu près, et ça dure même à l'Aurignacien, au Gravettien, ces figures de femmes tout à fait étonnantes. Quand on les a trouvées, l'abbé Breuil disait, c'est un c'est un réalisme poussé jusqu'à l'horrible. Hein, il parlait d'horrible. Et donc, effectivement, elles n'ont pas de tête, ou alors elles ont la tête couverte de croisillons. Elles ont des seins énormes, elles ont un ventre, elles ont des fesses, elles ont une vulve très, très apparente. Et donc, on peut se demander de quoi il s'agit. Alors, Sylvana pose une double hypothèse, soit il s'agirait d'une femme donc puissante, hein, d'une image du pouvoir de la femme, ou il s'agirait d'une aliénation des femmes dans la maternité. Alors je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Je ne crois pas à l'aliénation des femmes dans la maternité. Je crois que celles qui ressemblent à des femmes enceintes, il y a des diversités dans ces statuettes, même si elles ont toutes à peu près le même schéma. Il y en a qui ressemblent plus à des femmes enceintes que d'autres. Par exemple, les statuettes de Grimaldi sont visiblement enceintes avec le gros ventre. Et elles sont minuscules, elles ont 5 cm à peu près. On va vous mettre des photos sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Voilà. Mmh. Et bon, tout le monde les connaît. Il y en a une qu'on appelle la Polichinelle, elle a un gros ventre. Et donc, elles sont très schématiques. Et on peut penser, et ça c'est une hypothèse que je retiens parce qu'elle me paraît tout à fait pertinente et intéressante, que ce sont des amulettes. Parce que beaucoup d'entre elles ont un petit trou qui permettait de les suspendre. Des amulettes pour qui ? Bien, la première idée qu'on peut avoir, c'est pour des femmes enceintes, pour les protéger pendant cette période délicate qu'est la grossesse et surtout l'accouchement. La magie sympathique, on est protégé par ce qui nous ressemble. Voilà. Et pourquoi ne pas faire l'hypothèse que des femmes auraient fabriqué ces amulettes ? On ne va pas aller voir les hommes pour qu'elles leur taillent ces petits objets finalement assez rapidement faits, hein, pour qu'elles les portent. On peut imaginer qu'elles les avaient faites à leur propre usage. Donc il y a tout un ensemble, à mon avis, de ces images qui représentent non pas la femme enceinte parce qu'on veut que les femmes soient enceintes tout le temps. Hein, je pense que c'était pas le problème des paléolithiques parce que c'était des nomades et il fallait pas qu'ils aient beaucoup d'enfants à la fois, même s'il en mourait. Il fallait, les femmes ne pouvaient s'occuper que d'un enfant pendant 3 ans à peu près, hein, puisqu'il fallait attendre qu'il sache marcher. Donc c'est pas une volonté de fécondité, mais c'est une protection de la grossesse et de l'enfantement. Et je pense que là, ça n'est pas une chose aliénante que de dire que ces femmes avaient besoin de croire qu'elles étaient protégées dans ce moment délicat, et qui a toujours été délicat, hein, toute l'espèce humaine, de l'enfantement. Alors, autres hypothèses. Alors, En quelques mots, parce qu'on arrive dans les dernières minutes. Oui, on a parlé de matriarcat, on a parlé de femmes déesses. Je pense qu'au Gravettien, les femmes avaient un rôle important. Comme le prouve d'ailleurs l'homme de menton et la dame de Cavillon dont on a parlé. Qui est la même personne. Mais il me semble qu'il ne faut pas en inférer nécessairement qu'elles étaient complètement dominantes. Je pense que considérer qu'il y a une domination féminine, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans aucune société humaine, un matriarcat absolu. Hein. Il y avait certainement une place des femmes importantes, elles étaient robustes, elles étaient actives, mais il s'agissait probablement d'une société où les hommes dominaient quand même. Merci beaucoup Claudine Cohen d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la lecture de La femme des origines, image de la femme dans la préhistoire occidentale, c'est chez Belin. Et puis Femme de la préhistoire chez Belin également, c'est épuisé mais ce sera peut-être retiré bientôt. Ça va être bientôt un livre de poche. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Nominé Guetzin-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Julien Calvas à la technique. La suite de vos aventures scientifiques de la semaine, eh bien c'est demain, la dernière pour la dernière mission. On reprend nos vieilles habitudes avec notre table ronde d'actualité scientifique du vendredi avec tous vos chroniqueurs préférés, Cécile Lestienne, Olivier Lascar, Elodie Chabrol demain, qui vont décortiquer pour vous toute l'actualité scientifique de l'été. On parlera du neutrino venu des confins de l'espace à la sonde Solar Probe, en passant par la multi-apparition de sapiens sur tout le globe. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.